les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Que les Doors soient encore aujourd'hui au panthéon de la musique rock doit sans doute beaucoup à la légende baignée de soleil noir entourant Jim Morrison, mort à Paris une nuit de juillet 1971. Une mort qui, au tournant des années 60-70, après celle de Brian Jones, Janis Joplin et de Jimi Hendrix, devait nourrir le mythe d'une mystérieuse malédiction frappant à 27 ans les idoles du rock. Car s'il est bien dans l'univers de la musique populaire une personnalité à laquelle le terme galvaudé d'idole colle parfaitement, c'est Jim Morrison. Dans une Amérique se débattant dans le bourbier vietnamien, son talent, son charisme et son sens de la provocation firent de ce beau gosse nourri de littérature et de poésie l'une des stars les plus adulées, mais aussi les plus contrôlées de ces années de contestation tout azimut. Un culte que sa précoce disparition n'aura fait que démultiplier, comme en témoigne encore ce qu'il reste de sa tombe à Paris, la plus visitée, peut-être la plus décorée, mais aussi la moins ménagée du Père Lachaise. En 1991, 20 ans après la mort du chanteur, alors que cette même année, Oliver Stone y allait de son biopic, au son des titres des Doors, Daniel Coe et Sylvain Gire proposaient aux auditeurs de France Culture de poser un autre regard sur Jim Morrison. Opus, un autre regard sur Jim Morrison, avec des extraits d'entretien avec Jim Morrison et la participation de témoins de ses dernières heures, dont celle du critique de rock Hervé Muller, qui signait cette année-là Jim Morrison, mort ou vif. Une émission diffusée la première fois le 25 mai 1991 sur France Culture. Riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, and packed her out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. C'est les Doors uniquement. Les Doors sont morts dans la mesure où Jim Morrison est mort. Les Doors, un autre regard sur Jim Morrison. C'était pas la journée, c'était la nuit à 4h du matin. C'était dans une boîte qui à l'époque s'appelait le Rock'n'Roll Circus, rue de Seine. C'est devenu par la suite le whisky à gogo, ça existe toujours, mais c'est plus du tout la même clientèle. 7 mai 1971. Jim Morrison séjourne à Paris avec son amie Pamela Courson. Gillier Prémian, jeune amateur de rock, est alors le témoin de ses dernières errances. Et cette nuit-là, il devait être environ 4h du matin. Qu'est-ce que tu faisais là-bas à 4h du matin en 71? J'étais dans la boîte. Lui aussi et d'autres gens. Et il était ivre-mort. Ils l'ont viré. Enfin, les videurs l'ont vidé. Et bon, moi, je ne l'ai pas vu, ça, cette scène-là. Mais toujours est-il que j'ai dû sortir, je ne sais plus quelle heure il était, et j'ai vu ce mec qui me rappelait quelque chose, très vaguement, quelqu'un, qui donnait des coups de pied devant la porte, dans la porte, et qui voulait rentrer de force, et les videurs le repoussaient, il commençait à les insulter, il hurlait, et il était bien HS. Il était barbu ? Non, du tout. Non, c'était fini cette époque-là, déjà. Et je l'ai regardé pendant quelques instants, je me suis dit, merde, il me rappelle quelqu'un, mais qui ? Et puis bon, finalement, je l'ai reconnu, je l'ai appelé par son nom, et puis il s'est écroulé sur moi. Et donc, je l'ai ramené chez Hervé Muller, qui habitait à l'époque dans le 17e, vers l'avenue des Ternes. Donc on a voulu prendre un premier taxi qui nous a refusé, vu l'état de Jim. Ensuite, on a pris un second taxi qui, lui, nous a accepté. On est arrivé à un pont. Et là, au feu rouge, il est sorti du taxi et il voulait plonger dans la Seine. Il avait chaud. Donc, j'ai retenu. Et les flics arrivaient. Et là, de nouveau, les insultes. On a pris un second taxi. Et là, il y a une anecdote assez rigolote, c'est que le taxman se plaignait que le pourboire n'était pas assez élevé, vu son état. Alors il m'a demandé qu'est-ce qu'il a, donc je lui ai expliqué. Et là, il a sorti de sa poche une liasse de billets de 500 francs qu'il a remis au chauffeur de taxi, qui est devenu fou, qui me l'a rendu le fric et qui est parti très très vite. Et ensuite, on a monté les 5 ou 6 étages très péniblement et très lentement, parce que je lui avais expliqué que les gens dormaient. Et à chaque marche, il me tapait dans le dos en me faisant signe « say sleep ». Et ensuite, arrivé chez Hervé, c'est sa copine de l'époque qui s'appelait Yvonne qui nous a ouvert. Qui dirigeait un magazine. Oui, qui était à l'époque directrice artistique de Best. Qui n'était pas très contente et qui croyait à une mauvaise farce. Et puis, voilà. Yvonne ouvre la porte, moi je me lève aussi. Et on voit s'encadrer dans la porte ce type en... une vieille veste militaire américaine délavée, une paire de jeans qui m'a vraiment tenu debout tout seul, et une vieille paire de bottes de fries, de bottes de cow-boy. Puis il y avait une vague chemise, manifestement ivre-mort, qui rentre, qui regarde autour de lui, qui a un vague sourire, et puis il dit... bonjour tout le monde. Hello everybody. Hi everybody. Et qui s'écroule sur le lit, par bonheur, était juste à côté de la porte, complètement out, quoi. Rien à faire pour le réveiller. On l'a déplacé pour qu'il nous reste quand même un peu de place. Je peux dire que j'ai dormi avec Jim Morrison. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. World we're thrown like a dog without a bone, an actor out on loan, riders on the storm. Riders on the storm. lendemain matin, Kim s'est réveillé se souvenant absolument rien de la veille, aucun souvenir, blackout total. Manifestement, c'était pas la première fois qu'il était dans cette situation. Il était détendu, enfin il s'est vaguement excusé, on a discuté, mais ça a été très naturel tout de suite. Je crois que il y avait à cette période-là chez Jim, c'est-à-dire qu'il retrouvait le personnage qu'il avait été avant de devenir célèbre, et il essayait de se retrouver lui-même. Je crois que c'était, bon, on l'a dit, il redit, mais je crois que c'est vraiment vrai. Je ne crois pas qu'il ait été condamné. Je crois que c'était qu'on a trop poussé le mythe dans ce sens-là. Il était devenu très conscient d'où il en était arrivé. En fuyant Los Angeles et en venant à Paris, il était venu retrouver Pamela et prendre des vacances officiellement, puisque à ce moment-là, les Doors n'avaient plus de contrat, ils n'avaient aucune obligation par rapport au groupe. Ils sortaient d'un an de procès qui n'était toujours pas terminé pour l'affaire de Miami. L'année 70 avait été très très traumatisante pour lui, je pense, pour des raisons à la fois personnelles et professionnelles. Et je crois qu'il s'est rendu compte tout d'un coup que ce personnage qu'il avait fabriqué avec l'aide des médias, du roi lézard, tout ça, l'avait bouffé, quoi. Il ne le contrôlait plus. LA Woman. Eh bien, je suis arrivé en ville il y a environ une heure. J'ai fait un tour, histoire de sentir d'où vient le vent. Là où les petites filles dans leur bungalow de Hollywood. Es-tu heureuse, petite lady, dans cette ville de lumière, ou n'es-tu rien qu'un ange de plus? Ville de lumière, city of night. Ville de lumière, city of night. Bon, il y a eu beaucoup de femmes dans la vie de Morrison. Je suis absolument convaincu que, bizarre, ça puisse paraître, Pam est la seule qui n'ait jamais vraiment compté. Il l'a connue avant le succès des Doors. C'est vraiment Zarek les appelle un grand couple romantique. C'est assez vrai. C'est un couple déchiré qui était extrêmement proche. Je crois que à Paris, il y avait de part et d'autre de volonté de s'en tirer, mais il tirait trop de bagages. Il aurait fallu que Pam désintox. Il aurait fallu que Jim s'arrête de boire. Il aurait fallu que s'il n'était pas mort, ça serait peut-être arrivé, mais bon, ça faisait quand même peu de temps qu'ils étaient là. Je me souviens très bien de Pam nous racontant qu'elle voulait acheter une vieille église et en faire une maison à la campagne en France. Ils avaient des projets vraiment précis, à long terme. Donc c'était tout de même arrêter le rock et vraiment se consacrer à la poésie. C'était plus ouvert que ça. Dans l'immédiat, oui, mais la musique donnait quand même beaucoup à cœur, parce que je sais que je suis allé chez lui le jour où il venait de recevoir Dalai Woman, leur dernier disque, et il le passait, il en était vraiment très fier, il m'a fait écouter, on sentait que c'était son disque, et qu'il retrouvait les Doors tels qu'il les entendait dans sa tête avant de les rencontrer. L.A. Woman. Sadness. Mr. Mojo Rising est l'anagramme de Jim Morrison. Mais le mojo, c'est pour les Noirs du sud des États-Unis, ce quelque chose de magique qui donne la puissance sexuelle et le pouvoir sur les autres. Comme les concerts des Doors qui ont toujours été perçus comme une cérémonie, un rituel païen, captivant, dédié au rock'n'roll. Morrison s'en explique lors d'une interview. I think in a way, rock concerts have always served a function. It gives a lot of les concerts de rock ont toujours eu une certaine fonction. With the same station in life, chance to gather together. Ça donne aux gens qui ont les mêmes centres d'intérêt une possibilité de se rassembler. Just feel. The sheer mass of them exists. Just to se sentir comme un groupe. It's a funny thing. I've read a little bit about shamanism. I haven't seen too much of it firsthand, except you know. C'est bizarre. J'ai lu un peu sur le chamanisme, sans plus. But in tribes, the shaman could be any age. It could be an old man or a young man. But dans the les whole tribus. Tribe, le chaman peut avoir n'importe quel âge. Ça peut être un vieil homme ou un jeune homme. Mais la tribu tout entière, d'une certaine façon, le pousse dans son voyage et lui écoute. Et c'est en fait juste une question d'une certaine tendance psychologique personnelle. Et le chamanisme rock à une époque de troubles sociaux. Je ne pense pas que le chaman, d'après ce que j'ai lu, soit particulièrement intéressé à trouver son rôle dans la société. Il est plus intéressé à poursuivre ses propres fantasmes. S'il devenait trop conscient de sa fonction, je pense que ça pourrait détruire son propre voyage. The snake was pale gold, glazed and shrunken. We were afraid to touch it. The sheets were hot, dead prison. And she was beside me. Oh, she's no young. The dark red hair, the white soft skin. No. Run to the mirror in the bathroom, look! I let my cheeks slide down the cool, smooth tile. Feel the good, cold, stinging blood. The slow, dancing snakes and rain. If I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Outre le chanteur Jim Morrison, les Doors sont le guitariste Robbie Krieger, un amateur de flamenco, le batteur de jazz John Densmore et l'organiste Ray Manzarek, qui a lui une formation classique. Ce sont donc des musiciens qui ont une culture plutôt atypique dans le rock, renforcée par le fait que Morrison et Manzarek sont tous deux étudiants en cinéma à l'Université de Californie, l'UCLA. C'est donc un groupe qui a dès le départ un projet poétique inspiré par les lectures de Morrison, Rimbaud et Aldous Huxley aussi, qui a écrit Les Portes de la Perception, qui traite de la mescaline. Donc le projet artistique des Doors dès le départ est un projet qui consiste à littéralement passer les portes, à briser les portes de la réalité pour trouver autre chose. Un projet qu'ils vont exprimer grâce au médium du rock'n'roll. C'est-à-dire que ça n'est pas seulement une alliance de musique et de paroles, c'est un aspect cérémonial qui s'exprime le plus souvent en concert. Morrison apprécie beaucoup chez Nietzsche les théories qui parlent de l'aspect dionysiaque du spectacle. Donc Jim Morrison, sur scène, saute en l'air, s'assoit, tourne sur lui-même au rythme hypnotique de l'orgue de Manzarek, pour, un peu comme un chaman, essayer de crever le temps, de crever l'espace et de faire rentrer le public avec lui dans une autre dimension. Ce sont donc des gens qui s'inscrivent réellement en tant qu'artistes dans la culture de leur temps. Et puis Jim Morrison admirait les écrivains de la Beat Generation. Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti, William Burroughs. Il admirait aussi les spectacles du Living Theatre. Il a été l'ami d'Agnès Varda et de Jacques Demy. Et il s'est lui-même montré poète inspiré de la génération du rock dans 4 recueils parus en France chez Christian Bourgois. Après la Beat Generation des années 50, il y a eu dans la seconde moitié des années 60 le psychédélisme, l'opposition à la guerre du Vietnam, les émeutes dans les quartiers noirs, une explosion de l'art alternatif face à l'art officiel, les happenings des artistes Fluxus, les provocations des spectacles anarchistes du Living Theatre, les provocations aussi des films underground. Tout ça était lié. C'est dans ce contexte mouvementé qu'il faut replacer la démarche artistique de Jim Morrison. Lorsqu'il était étudiant en cinéma, c'est tout naturellement qu'il avait scandalisé avec un court-métrage dans l'esprit des cinéastes underground qu'il admirait. Kenneth Anger, les frères Couchard ou Andy Warhol. C'est tout naturellement aussi que sur la scène du rock, il provoquera le public à la manière de Julian Beck et Judith Malina dans le Living Theatre. Une période de vertige avec des formes artistiques fortement contrastées. Il y a l'esthétique du cri et de l'ouverture au tout possible. Il y a aussi, en juin 1971, à Paris, le regard du sourd de Bob Wilson, avec une musique minimaliste aux résonances du 19e siècle, qu'Alan Lloyd joue lui-même au piano. Thank you. sais pas si tu te souviens. Hervé Muller. Regard du sourd, qui était quand même très long, qui avait été présenté à Nancy, qui durait 4 heures, quelque chose comme ça. Il était présenté à Paris en deux parties. Il y avait Interlude, qui jouait dans un théâtre, et le regard du sourd, proprement dit, qui était au Théâtre de la Musique. Près de Réaumur, Sébastopol. Voilà. Il faut bien se rendre compte que Wilson, à l'époque, était inconnu aux États-Unis. C'était, il n'avait de public européen. Il y avait un public vraiment marginal aux États-Unis. J'ai pensé que ça intéresserait Jim, et je lui ai téléphoné, je lui ai dit, on va aller voir ça, tu veux venir avec nous? Il dit, absolument, il ne connaissait pas. Normalement, Pamela devait venir. Finalement, c'est Alain René, qui était un très vieil ami de Jim, caméraman, technicien et photographe, qu'il connaissait depuis du Cielet, depuis, je crois qu'il connaissait depuis 1963, donc c'était, qui est aussi un bon ami d'Agnès Varda, qui est venu à la place de Pam. C'était 15 jours avant la mort de Jim. On allait voir le regard du sourd, et Jim était absolument emballé. Il était, je comprends, après avoir vu sa réaction après le regard du sourd, je comprends ce qui a pu se passer à Miami quand il a vu Paradise Now du Living Seattle. Je n'ai pas le droit de voyager sans passeport. Je ne sais pas comment arrêter les gars. Je ne sais pas comment arrêter les gars. On ne peut pas vivre sans avoir d'argent. Le Living Theatre, Paradise Now, Genève, août 1968. On ne peut pas vivre sans avoir d'argent. On ne peut pas vivre sans avoir d'argent. Je n'ai pas le droit de fumer du hashish. Je n'ai pas le droit de fumer du hashish. Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit de fumer du hashish. Je n'ai pas le droit de fumer du hashish. Je n'ai pas le droit d'ôter mes vêtements. Je n'ai pas le droit d'ôter mes vêtements. Je n'ai pas le droit d'ôter mes vêtements. Je n'ai pas le droit d'ôter mes vêtements. Je n'ai pas le droit d'ôter mes vêtements. Ah! New York City. Comment le rite du théâtre de guérilla et la vision de la mort et de la résurrection des Indiens d'Amérique conduisent à la révolution des cultures. Théâtre libre! Le théâtre est à vous! Agissez! Parlez! Faites ce que vous voulez! Théâtre libre! Sentez-vous libre! Vous, public, pouvez choisir votre rôle et le jouer! Bring out your dead! Bring out your dead! Bring out your dead! Bring out your dead! Bring out your dead! Bring out your dead! Lors du fameux concert de Miami. Oui, il s'était en... déshabillé. Oui, en fait, il ne s'est pas. Là, il y a la part de la légende et la part de la réalité. Bien que ça soit prouvé, que ça a été écrit, qu'il y a des photos, qu'il y a des documents, qu'il y a des enregistrements, il n'a rien montré. Et mieux que ça, il avait monté son coup. Il faut bien voir que Jim, même quand il était dans un état d'ébriété très avancé, garder un côté de lucidité, ça m'a... Sauf qu'on arrivait vraiment au bout. Mais même ce premier jour chez moi, j'ai eu l'impression, quand il a débarqué chez moi, j'ai l'impression qu'il s'observait d'extérieur. C'était, ça m'est resté. Et ce jour-là, à Miami, c'était vraiment un plan par rapport à ce qu'il avait emmagasiné en voyant le Living la veille. C'est la veille qu'il les avait vus à Los Angeles, à l'université de Los Angeles. Et évidemment, le Living devant un public de 300 aficionados et un public de 10 000 fans des Doors, c'est pas tout à fait la même chose. Et comme il a dit lui-même, après, j'ai voulu dire, j'ai voulu leur expliquer qu'ils étaient des imbéciles de faire partie d'un public. Pour les faire réagir, il voulait les faire réagir, il voulait les faire participer. Il a dit que c'était que le fait d'avoir vu le Living l'avait inspiré. Et ce soir-là, quand on allait voir le Regard du Sourd, j'ai pu imaginer très bien que s'il avait été avec les Doors encore et que le lendemain il avait eu un concert, je sais qu'il s'en serait servi de quelque chose. Charged with lewd behavior on four counts: simulated masturbation, public drunkenness, profanity, and public exposure. How do you plead? The defendant pleads not guilty, Your Honor. You know the day destroys the night. Night divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Accusé de conduite impudique, exhibition indécente, obscénité et ivresse publique, pour avoir soi-disant montré son sexe lors d'un concert à Miami en 1969, Jim Morrison est condamné à $500 d'amende et 6 mois de prison. Il fait appel et reste en liberté après versement d'une caution de $50,000. C'est le jour détruit la nuit divise le jour. J'ai voulu courir, j'ai voulu me cacher. Évade-toi de l'autre côté, évade-toi de l'autre côté, évade-toi de l'autre côté. Nous avons chassé nos plaisirs ici, déterré nos trésors là-bas. Peux-tu encore te souvenir quand nous avons pleuré? Évade-toi de l'autre côté, évade-toi de l'autre côté, évade-toi de l'autre côté. Tout le monde aime ma nana, tout le monde aime ma nana. Elle va, elle va, elle va, elle va. J'ai trouvé une île dans tes bras, un pays dans tes yeux. Bras qui enchaînent, yeux qui mentent. Évade-toi de l'autre côté, évade-toi de l'autre côté, évade-toi de l'autre côté. J'ai été dans le coup de semaine en semaine, de jour en jour, d'heure en heure. L'issue est directe, profonde et grande ouverte. Évade-toi de l'autre côté, évade-toi de l'autre côté, évade-toi de l'autre côté, évade-toi, évade-toi, évade-toi, évade-toi. Alors il y a de plus en plus de monde donc autour de la tombe de Jim Morrison. Il y a toujours du monde ? Toujours du monde. Exceptionnellement de monde. Et effectivement, avec le film, ça a contribué un maximum, je pense, à ce déploiement de personnages qui viennent là visiter cette tombe. Ce qui est curieux, c'est que ce soit des jeunes qui viennent là. Hein, alors que c'est une autre génération, logiquement, hein, qui correspond à la génération MC5, Stooge, Doors. C'est-à-dire la fin des années 60. La fin des années 60 est la meilleure époque, quoi. Bien qu'actuellement, il y ait plein de choses très, très, très intéressantes, quoi. Et qu'est-ce que tu penses de la nouvelle tombe avec cette plaque qui a été posée? Parce que sur la nouvelle plaque, il y a une inscription en grec qui a été posée. Je crois que c'est les parents de Jim Morrison qui ont payé pour la plaque. Et l'inscription en grec dit « tel le démon en lui-même », je crois. Ben, cette nouvelle, ça m'intéresse excessivement, si tu veux, justement par rapport, à ce Daimon et cette relation par rapport au japonais Daimon, qui en japonais veut dire « grande porte ». C'était un ange. Un ange ? Oui, c'était un ange. C'est-à-dire ? Un ange de l'enfer. Attention, excuse me. C'est quoi ça? Vous parlez français? Ben non, ça va pas, non. Ouais, mais il y a la sécurité, il vaut mieux planquer parce que la BBC, le jour, ils l'ont sorti, quoi. Tu caches, ils vont sauver après. Ouais, mais c'est interdit, il faut payer. Et regarde, calme-toi. Justement, on est là pour les interdits. Mais j'aime bien. Cet hiver, ils m'ont viré, tu sais, avec moi. C'est pas la sécurité, c'était pas assez malin, c'est les chiens qui m'ont viré. Pas les chiens, les chiens, j'ai amené les maîtres. Mais c'est un bad guy. Les chiens, j'ai viré aussi. Mais c'est un bad guy. Still is. Le sécurité. He knows the score. And I reckon he's been here before. Allez, on s'arrête. Au cimetière du Père Lachaise, il y a foule autour de la tombe de Jim Morrison. On vient des quatre coins du monde boire de la bière, du vin, d'autres choses et échanger des nouvelles du culte dans toutes les langues. Mais ce jour-là, les gardiens nous arrêtent et il nous faut rebrousser chemin. On peut comprendre la nervosité des gardiens. Depuis la sortie du film d'Oliver Stone, Les Doors, c'est un véritable raz-de-marée. On craint même l'arrivée de Charter des États-Unis pour le 20e anniversaire de la mort du chanteur-poète. Une mort survenue dans des circonstances étranges. Officiellement, un arrêt du cœur le 3 juillet 1971. Didier Kowalski, qui nous conduisait dans les allées du Père Lachaise, est en France l'un des plus grands collectionneurs de disques des Doors. Il éprouve pour Jim Morrison une passion furieuse. Moi, je me suis intéressé à Morrison à partir de 1974. Morrison était mort. Morrison était mort, il était enterré, on ne savait pas du tout ce qu'il était. Ce que j'en ai récupéré, si tu veux, c'est tous les pirates. J'ai 60 pirates des Doors. J'ai 140 singles des Doors qui ont aucun intérêt. Si, les images, l'iconographie. Puis peut-être quelque chose de spécial dans cet enregistrement qu'on ne retrouve pas ailleurs, peut-être. Écoute, moi, le seul truc, c'est ce que je vous ai montré, c'est pour ça que je l'ai apporté. Si tu veux, c'est le single iranien. Le single iranien, c'est pour moi, c'est quelque chose de fabuleux. Alors, c'est paru en Iran, et ce morceau, là-dessus, est introuvable ailleurs. Il est introuvable ailleurs. Et le Who Do You Love, n'est jamais sorti en single en Europe, aux États-Unis, nulle part. Enfin, en Occident, il n'est jamais sorti. Il est sorti uniquement en Iran. C'est fabuleux. Do you feel all right? C'est arrivé que tu veuilles un enregistrement de Jim Morrison, des Doors, et qu'on te demande cher ou que... Ah bah je suis prêt à payer si tu veux des trucs. Si tu veux, pour moi, le truc que j'ai payé le plus cher, et enfin que j'ai pas payé le plus cher, si tu veux, c'est Rock is Dead. Parce que c'est vraiment le truc le plus intime et le plus inconnu qui existe des Doors. Il y a rien d'autre qui existe. Parce que tu, moi, si tu veux, je te dis, j'ai 60 pirates des Doors et tout se recoupe. C'est toujours Mountain Drive, tout ce genre de musique, et ça n'a aucun intérêt, si tu veux. Les versions sont un peu différentes, mais ça n'a aucun intérêt. Tandis que Rock'n'Roll is Dead, alors ça, c'est quelque chose. Malheureusement, nous autres, nous n'avons pas la version intégrale. À savoir qu'elle fait une heure. Mais là, 20 minutes, c'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal, ouais. Surtout que c'est un morceau qui revisite toute l'histoire du rock'n'roll, depuis le blues, en passant par le boogie. Et c'est ouais, toute l'histoire du rock'n'roll revue par les Doors. Revue par les Doors, et puis... ce qui fait aussi James Douglas Morrison, il parle de sa famille, il l'oublie pas là-dedans. Il l'a beau décréter mort pendant sa première session, pendant son premier album. Ils se disent orphelins, hein, c'est ça. Ouais. Mais dans cet album, il parle de ses parents. Ils sont morts aussi. Et pour lui, c'est un gag. You know people. I was feeling bad. Mama didn't like the way I did my thing. The old lady, she didn't get with that thing. But my daddy was a sailor. Get his head around and he said, oh, you gotta do it, son. Get yourself intact. You gotta love, love, love, love, love my baby tonight. Let me tell you, baby, about the death of rock. I used to be a boy in my home block. Used to feel alone and I heard some news. Bunch of cats. Jim Morrison, c'est différent, si tu veux, parce que j'ai tendance à faire une analogie avec moi, et j'ai tendance à dire, Didier Kowalski, tu ressembles un peu à Jim Morrison, et tu veux être un peu comme Jim Morrison. Ce qui m'intéresse par rapport à Jim Morrison, c'est sa poésie, c'est sa beauté, comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu veux, dans le bouquin de Iggy Pop. Il a dit, j'ai rencontré des femmes superbes. Mais ce que j'ai rencontré de plus beau, c'est Jim Morrison. James Douglas Morrison, qui était le plus beau. La collection de Didier Kowalski est une belle profanation des sépultures du rock'n'roll. Ces heures d'improvisation hasardeuse, sous de méchantes pochettes nécrophiles, recèlent quelques perles rares. Un récit éthylique au piano de la triste fin de Friedrich Nietzsche, ou, beaucoup plus convaincant, cette jam session qui réunit en 1970 rien moins que Jim Morrison et les guitaristes Johnny Winter et Jimi Hendrix. Interesting songs develop over a period of time playing night after night in clubs. Beaucoup de chansons les plus intéressantes se développent quand on joue soir après soir dans les clubs. Ça commence comme une chanson assez simple. Et puis, la musique s'installe dans une sorte de rivière de sons hypnotiques qui me laisse libre, qui me donne la possibilité de créer ce qui me passe par la tête à ce moment-là. C'est la partie de concert que je préfère, quand j'ai une possibilité de m'emparer des vibrations de la musique et de ce qui vient du public, et de juste suivre cela où que ça aille. C'est différent quand vous faites des lectures de vos poèmes? C'est très semblable. Beaucoup de poésies sont très proches de la musique. Quand tu écris un poème, souvent, tu dois être dans un état d'esprit que la musique peut te donner. Avec sa qualité hypnotique qui te laisse libre, comme si l'inconscient t'emmenait où il voulait. J'admire vraiment les poètes qui peuvent juste prendre un micro et dire leur poésie devant les gens. La musique me donne un genre de sécurité qui m'aide beaucoup à m'exprimer moi-même, parce que c'est plutôt difficile de seulement lire la poésie en public. Mais j'aimerais beaucoup y arriver. In that year, we had an intense visitation of energy. When Radio Dark Night existed and assumed control, and we rocked in its web, consumed by static and stroked with fear, we were drawn down long from a deep sleep and awakened at dayfall by worried gardeners and made to be led through dew-wet jungle to the swift summits overlooking the sea. A vast radiant beach and a cool jeweled moon, couples naked race down by its quiet side, and we laugh like soft mad children, smug in the woolly cotton brains of infancy. The music and voices are all around us. Choose, they croon, the ancient ones. The time has come again. Choose now, they croon, beneath the moon, beside an ancient lake. Enter again the sweet forest. Enter the hot dream, come with us. Everything is broken up and dances. Moonshine night, mountain village, insane in the woods and the deep trees. Under the moon, beneath the stars, they reel and dance, the young folk led to the lake by a king and queen. Oh, I want to be there, I want us to be there, beside the lake, beneath the moon, cool and swollen, dripping its hot liquor. Seule la poésie et les chansons pourront survivre à un holocauste, écrit Jim Morrison. Personne ne peut mémoriser un roman entier, un film ou une peinture. Mais tant qu'il y aura des êtres humains, les chansons et la poésie pourront se perpétuer. C'est cette dimension intime d'un murmure à soi-même, comme on se fredonne une chanson dans la rue, qui fait tout l'intérêt des poésies de Morrison. Des grandes odes surréalistes chargées d'images violentes, sexuelles et politiques, aux calmes notations proches du haïku japonais, Morrison explore une écriture typiquement américaine, qui doit autant au rock'n'roll, c'est-à-dire aux dérives urbaines, qu'à la tradition littéraire européenne. Une poésie de tous les jours à la recherche de l'image juste. Je veux enfermer mon feu sacré. Être simple, obscur et net. Un vague néant, s'il te plaît. La mer est verte, fumée, comme la version enfantine d'un rêve de Noël, sans réveil. Héritier des poètes beat, Morrison préfigure aussi certaines fusions contemporaines. Les textes de l'après-punk rock d'Henry Rollins, Cathy Hacker ou encore Bret Easton Ellis, soit des récits incandescents de la défonce quotidienne et de la sauvagerie érotique qui, 20 ans après, caractérise toujours une Amérique dans l'attente de son déclin. This is the end, beautiful friend. Voici la fin, mon bel ami. This is the end, my only friend, the end. Voici la fin, mon seul ami. La fin de nos plans élaborés. La fin de tout ce qui a un sens, la fin. Ni salut, ni surprise, la fin. I'll never look into your eyes again. Je te regarderai plus dans les yeux, jamais. Can you picture what will be so limitless and free? Of some stranger's hand in a desperate land. Peux-tu imaginer ce que nous deviendrons sans limite ni entrave? Désespérément avide de quelques mains étrangères dans une contrée désespérée? Perdu dans un désert romain de souffrance. Et tous les enfants sont devenus fous. Tous les enfants sont devenus fous dans l'attente de la pluie d'été. Les abords de la ville sont dangereux. Prends la grande route royale. Scène étrange au fond de la mine d'or. Prends la grande route vers l'ouest, baby. Enfourche le serpent. Enfourche le serpent vers le lac. Le lac antique. Le serpent est long, 7 miles. Enfourche le serpent, il est vieux et sa peau est froide. L'ouest est ce qu'il y a de mieux. L'ouest est ce qu'il y a de mieux. And all the children are insane. Older children are insane. Wait. Highway.

This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end. It hurts to set you free, but you'll never follow me. Cela me peine de te laisser partir, mais tu ne me suivras jamais. The end of laughter and soft lies. La fin du rire et des doux mensonges. La fin des nuits où nous avons voulu mourir. Et voici la fin. This is the end. Les Doors, un autre regard sur Jim Morrison. Par Daniel Coe et Sylvain Gire. Avec Gilles Prémian, Didier Kowalski et Hervé Muller, auteur de Jim Morrison Mort ou Vif, édition Ramsay. Texte dit par Geoffrey Carré. Les poèmes de Jim Morrison sont publiés chez Christian Bourgois. Opus, réalisation Olivier Dupré, Jean-Pierre Pernel, Isabelle Coric, Perrine Mingui. Bird of prey, bird of prey, flying high, flying high, in the summer sky. Bird of prey, bird of prey, flying high, flying high, gently pass on by. Bird of prey, bird of prey, flying high, flying high, am I going to die? Bird of prey, bird of prey, flying high. Cette émission a été diffusée la première fois le 25 mai 1991 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.